Chapitre 34 Mazas. Visitons Tazas ou Notzas, la prison type, condamnée à la démolition ainsi que toutes les anciennes prisons de la Seine. Le nouvel hôtel de Ragdal est intéressant à connaître. Mazas a coûté près de 10 millions, autant qu'un palais. La maison des larmes contient 1200 cellules. L'emplacement occupé s'étend, on le sait, de la rue de Lyon à la rue de la Graveran et de l'ancien boulevard Mazas à la rue Traversière. La contenance est de 3 hectares, comme la santé. La façade, donnant sur le boulevard, est masquée en partie par le mur de ronde, haut de 10 mètres. Un second mur, à 8 mètres du premier et haut de 5 mètres, forme le chemin de ronde dans lequel les factionnaires sont postés pendant la nuit. Un poste de soldat figure le dragon qui garde ce trésor. En entrant, on trouve à droite le poste des concierges qui communique avec une pièce affectée aux commissionnaires attachés au service et dans laquelle attendent, avec un numéro d'ordre, les personnes qui ont l'autorisation de communiquer avec les détenus. Il est impossible de pénétrer ni de sortir sans être vu par les 2 surveillants concierges dont le guichet s'ouvre sur une cour qu'il faut traverser pour pénétrer dans la prison proprement dite, qui est relativement éloignée de son entrée. Cette cour est commandée par une porte en fer placée derrière la porte principale. Elle est ouverte aux voitures qui amènent ou viennent chercher des prisonniers et à celles qui apportent les vivres et le travail. À droite de la cour est la cuisine. À gauche, le corps de garde et les magasins. Lorsque l'on a traversé la cour, on rencontre un 2e guichet placé au commencement d'une allée couverte qui conduit directement au centre de la prison. Après ce guichet, à gauche, se trouve la visiteuse, plus communément appelée fouilleuse. À droite, le greffe et le cabinet du directeur. Un peu plus loin, et de chaque côté, une salle d'attente pour les détenus. Ces salles contiennent chacune 2 rangées de 9 cellules étroites avec un bloc de bois en guise de siège. Elles ont assez d'analogie pour la dimension avec les cabines des bains froids. Encore quelques pas, et l'on trouve de chaque côté le chemin de ronde qui n'enveloppe que les bâtiments occupés par les détenus. Passé cette sorte de fossé pavé, on n'a plus à franchir qu'une porte, toujours gardée par un surveillant, qui l'ouvre et la referme à clé derrière chaque personne. On est alors arrivé à l'extrémité de l'allée, au milieu même de la prison, au rond-point, vaste rotonde éclairée, et à laquelle viennent aboutir, comme les rayons d'un éventail, 6 immenses galeries longues de près de 100 mètres et hautes de 15, recevant la lumière d'en haut pendant le jour et pendant la nuit par des becs de gaz placés au rez-de-chaussée. Ces galeries forment toute la prison de Mazas. On les appelle divisions. Elles ont chacune 2 étages, ce qui, avec le rez-de-chaussée, forme 3 rangées de cellules superposées de chaque côté. C'est comme une rue composée de bâtiments identiques, dont les fenêtres seraient les portes et dont les balcons seraient les paliers. Ici, les numéros pairs, là, les numéros impairs. Le rond-point peut être comparé à un carrefour. Au milieu, on a construit un bureau vitré d'où l'on peut voir tout le mouvement des galeries. Sur le sommet de ce bureau est disposée une chapelle où se célèbrent les offices de la religion catholique. Dans les galeries, un escalier tournant de chaque côté met en communication le rez-de-chaussée, le premier et le 2e étage. À chaque étage, 3 ponts mettent en communication les 2 rangées de cellules parallèles. L'espèce de balcon-passage très étroit qui court devant les cellules est protégée par une rampe en fer qui a aussi un autre usage de première importance pour la distribution des vivres. Elle sert de rail au chariot. Chaque rangée a son surveillant, qui n'a ainsi que 35 cellules sous sa direction. Son poste est au pont du milieu, les 2 autres étant aux extrémités opposées de la division. L'aspect de ces cellules rapprochées est saisissant. On dirait des tombes superposées. Elles ont exactement 3,50 m de longueur, 2 m de largeur, 3 m de hauteur. Les murs sont peints en jaune foncé, dit administratif, à 1,5 m d'élévation, l'autre partie et le plafond voûté sont peints en blanc. Le parquet est en briques croisées. La porte est en chêne plein, boulonnée et d'une solidité à toute épreuve. 2 gâches, fixées, l'une à l'extérieur et l'autre à l'intérieur, reçoivent le pen qui est une forte tige d'acier. La première gage tient la cellule fermée, la seconde lui laisse un entrebâillement de quelques centimètres destiné à laisser entendre la messe. Les détenus des premières cellules peuvent même voir le prêtre à l'autel rond-point. Aux deux tiers de la hauteur de la porte s'ouvre la planchette mobile appelée guichet. Au niveau de ce guichet et à l'intérieur de la cellule se trouve placée une planchette demi-circulaire maintenue par un support. Cette tablette reçoit la nourriture du détenu. Le guichet a un judas vitré d'un diamètre de 1 cm. Il est évidé à l'intérieur. La surveillance peut s'exercer ainsi à l'insu du prisonnier. Un bouton de cuivre, placé à l'intérieur, permet de fermer ou d'ouvrir à volonté cette ouverture masquée par une petite plaque en fer. Ce judas est d'une grande utilité pour suivre, dans tous ses mouvements, le détenu placé sous la surveillance. Il est vrai de dire que celui-ci peut s'assurer que la plaque est remplacée par un œil humain. La police s'en sert pour reconnaître les individus dont l'identité est suspecte. Une catégorie d'agents, les frimeurs, est spécialement chargée de ce soin. Elle a une connaissance plus ou moins exacte du visage des gens déjà condamnés. Le numéro de la cellule est peint en fort caractère blanc et sous ce numéro se trouvent deux clous, l'un au-dessus de l'autre. Au premier clou reste attaché pendant tout le temps de la détention une plaque noire portant en lettres blanches quelques indications, la division, l'étage, le numéro de cellule. En la retournant, on lit « au palais ». On sait ainsi, quand le détenu est absent, qu'il est à l'instruction ou en jugement. Une autre plaque, beaucoup plus petite, contient seulement le numéro de cellule. Elle est remise au détenu chaque fois qu'il sort de chez lui, soit pour aller au greffe, au parloir, au bain, à la promenade ou pour tout autre motif. Au fond de la cellule, c'est-à-dire en face de la porte, à 2 mètres de hauteur, est une ouverture pratiquée pour donner de l'air. Elle est assurée contre toute tentative d'évasion par 7 forts barreaux de fer et garnie d'un vasis d'as divisé en 4 vitres de verre cannelé. Son entrebâillement est à peine de 20 cm à sa plus grande élévation et le détenu n'y peut parvenir qu'avec de prodigieuses gymnastiques et une grande force musculaire dans les poignets. Cet exercice est d'ailleurs interdit très sévèrement. Le principe de Mazas est ne rien voir et ne rien entendre. Le détenu peut ouvrir et fermer sa fenêtre au moyen d'une baguette de fer. En entrant dans la cellule, on voit, contre le mur, près de la porte, une poignée en bois adaptée à une corde qui communique à une lame métallique que le détenu fait tomber en tirant la poignée dès qu'il a besoin de parler à son gardien. Cette poignée a remplacé un fort bouton qu'il fallait pousser verticalement et qui servit plusieurs fois de potence à des détenus voulant en finir avec l'effroyable existence de cette Bastille réformée. Dans l'angle de la cellule, toujours près de la porte, est une petite planchette destinée à supporter la terrine de toilette. Au-dessous se trouve le siège des lieux d'aisance, fermé par un tampon de bois quand la fenêtre est ouverte, car la ventilation se fait plutôt par les conduits des tinettes, surtout en hiver. Mazas respire par les gogues. De plus, un couvercle se rabat sur le tout. Cette partie essentielle, l'œil de la Providence, comme disent les détenus, a la forme d'un bloc placé dans un angle et dont l'usage n'apparaît pas si le couvercle est rabattu. Une table en chêne avec un tiroir est fixée au mur. La chaise recouverte en paille est attachée à la table par une chaîne. Au-dessus de la table est un bec de gaz dont l'ouverture se trouve dans la galerie. Le surveillant avertit le détenu d'allumer quand il a tourné la clé. Chaque cellule est éclairée et éteinte séparément. Sur le mur opposé, c'est-à-dire du côté où se trouve le conduit, il y a divers imprimés. Le prix des objets à la cantine, les règles à observer dans la cellule, celles à observer pendant la promenade, le détail du mobilier, enfin le texte de la loi sur les délits et les crimes commis dans les prisons. Les promenoirs ont la forme d'un quadrilatère. La petite largeur, où se trouve la porte d'entrée, est de 1 mètre, la grande de 4 ou 5, longueur 12 mètres. Détail observé par un gardien du muséum. Les diquages des bêtes féroces au jardin des plantes ont une dizaine de mètres de plus que les cellules de Mazas. Sous tous les rapports, du reste, les animaux sont mieux traités que les malheureux prévenus. Il y a 5 préaux ou 100 promenoirs, les 5e et 6e divisions n'en ayant qu'une pour elles deux. Et cela suffit, car un certain nombre de cellules est occupé par les bains, les malades, etc. Au centre du terrain affecté aux promenoirs est une rotonde, élevée d'un étage et couverte par 8 croisées d'où le gardien surveille les détenus. La plus large partie des promenoirs est recouverte d'un toit de 3 mètres où le détenu s'abrite en cas de mauvais temps et qui protège le chemin extérieur parcouru par un autre surveillant. Le fond est fermé par une grille en fer. Dans cette fosse, l'homme ressemble absolument à une bête dangereuse. À la tête de chaque division, il a été établi des parloirs grillés. Les 17 premières cellules à gauche dans la 6e division sont des cellules de bain. Les cuisines sont vastes et dirigées par un chef qui se fait aider par des auxiliaires choisis parmi les condamnés. Les aliments sont préparés dans d'immenses chaudières en cuivre. Un peu avant 8h du matin et 3h de l'après-midi, aux heures des repas, les chaudières sont retirées des fourneaux au moyen d'un appareil. De là, les aliments sont envoyés dans chaque division. Les gamelles sont portées par des chariots qui roulent sur la rampe des balcons pour les étages et par terre pour le rez-de-chaussée. À chaque étage, un détenu pousse le chariot, tandis que les deux surveillants, un à droite et l'autre à gauche, ouvrent les guichets et placent une gamelle sur les tablettes. Une demi-heure après cette distribution, un auxiliaire reprend les gamelles qu'il met les unes dans les autres. Un surveillant le suit et referme le guichet. La nourriture se compose le matin d'un bouillon aux légumes et le soir de quelques légumes variés, haricots, lentilles, pois secs, riz ou pommes de terre en purée. Les jeudis et dimanches, le bouillon de viande remplace le bouillon de légumes et un morceau de bœuf bouilli remplace les légumes. Le pimbi, appelé boule de son, vient de Saint-Lazare où se trouve la boulangerie. C'est l'ordinaire du dépôt et de toutes les prisons de la Seine. Il n'est délivré gratuitement aucune boisson, si ce n'est l'eau de Seine. Et rien qu'à la couleur, on s'aperçoit du dégel et des inondations. Cette nourriture, insuffisante et propre à développer le scorbut, paraît ridicule si on la compare au régime des prisons dans les pays ayant quelque apparence de liberté, tels que l'Amérique et la Suisse. Dans le premier pays, les détenus ont près d'une livre de viande, un bouillon excellent, les légumes et la bouillie de maïs sont à discrétion. Le pain y est composé de seigle et de maïs. Une pinte de café est également distribuée. En outre, on peut avoir, si l'on en fait la demande, et cela d'une façon permanente, une portion supplémentaire. Tout à discrétion, quoi. Le personnel de Mazas se compose d'un directeur, d'un greffier, de plusieurs commis au greffe, d'un brigadier, de 7 sous-brigadiers, dont un pour chaque galerie, plus un pour le rond-point, et d'une 60aine de surveillants. Il y a un médecin-chef, un médecin en second et un pharmacien. La religion y est représentée par 3 aumôniers, jadis 2 fois mieux rétribués que le personnel actif. Ils étaient logés, chauffés et éclairés, dans le bâtiment des employés qui renferme le directeur, le brigadier et les sous-brigadiers, la fouilleuse, etc. Un ministre évangélique et un rabbin sont également attribués aux prisonniers juifs et protestants. Le roulement de la population de Mazas dépasse 10 000 individus par an. Cette prison, relativement nouvelle, puisqu'elle a été pour ainsi dire étrennée au coup d'état de décembre, compte déjà plus de 100 suicidés. Elle a remplacé l'ancienne force. Ah, si les pierres de Mazas pouvaient parler !